Nous en avions déjà parlé dans l'épisode 401 intitulé « Des épis et des hommes ». Il existe une discipline fabuleuse dans laquelle des chercheuses et des chercheurs s'interrogent sur les nombreux usages que les civilisations humaines ont ou ont pu avoir des végétaux. Cette discipline, à la frontière des sciences naturelles et des sciences sociales, s'appelle l'ethnobotanique. Et ce soir, c'est Michel Chauvet, l'auteur de l'encyclopédie des plantes alimentaires, qui sera avec nous. Nous sommes le mercredi 24 février 2021. Vous écoutez l'épisode 439 de Podcast Science. Bienvenue. Et ce soir, autour de notre table virtuelle, nous avons du beau monde. Comme d'habitude, Pascal à la technique depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Joanne depuis Belle-Île-en-Mer. Salut. Avec nous Cléora depuis Perduville en Normandie. Bonsoir à tous. Alexa depuis la chatroom et Los Angeles. Salut tout le monde depuis la chatroom. J'ai l'honneur de faire cette interview aujourd'hui depuis Strasbourg. Et nous avons avec nous notre invité, Michel Chauvet. Depuis, où êtes-vous Michel ? Près de Montpellier. Près de Montpellier. Bienvenue Michel, alors je vais replacer un peu votre invitation dans le contexte. Donc le fait de vous avoir invité, ça fait suite à l'épisode sur l'ethnobotanique que j'avais fait il y a quelques temps, des épis et des hommes, donc dans lequel je faisais un petit tour d'horizon de la discipline dont l'objet est les rapports entre les plantes et les sociétés humaines. Michel, vous m'aviez alors contacté pour me faire des retours sur l'épisode, me disant notamment qu'il manquait un petit quelque chose sur l'histoire de l'ethnobotanique française. Et effectivement, l'épisode abordait surtout les grands principes et les grandes méthodologies utilisées dans la discipline, et moins son histoire et ses contributeurs. Donc, comme on le disait dans l'épisode précédent, l'ethnobotanique, c'est un univers à part entière qui se nourrit de plein de disciplines transversales comme l'ethnologie ou la botanique, mais aussi l'histoire, la sociologie, la pharmaco, l'archéologie ou encore la linguistique. Et on aura l'occasion d'y revenir pendant l'épisode. Donc, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours et comment vous êtes, vous, devenu ethnobotaniste ? Oui, effectivement. Bon, d'abord, je dois dire que je ne suis pas nécessairement représentatif de quoi que ce soit, hein, et de l'ethnobotanique en général. Je suis une des nombreuses variétés d'ethnobotanistes qu'il peut y avoir. Alors, personnellement, bon, j'ai fait d'abord l'agro. Et en fait, j'ai fait l'agro parce que j'étais passionné par les plantes. Mais en même temps, quand j'étais au lycée, je me suis passionné pour les langues, ce qui fait que quand je suis arrivé à l'âge adulte, j'avais appris avec la bonne vieille méthode à 6000 plus d'une dizaine de langues. Ensuite, bon, je suis allé donc au Nicaragua, à Coopération, où là j'ai découvert les plantes tropicales que je ne connaissais pas du tout, et j'ai gardé d'ailleurs de cette époque, j'avais fait des photos de plantes comme les ignames, les bananes plantains, le manioc, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser à la diversité des plantes cultivées. Alors, en rentrant, grâce à la liste impressionnante de langues que je mettais sur mon curriculum vitae, j'ai été recruté par le Centre français du commerce extérieur. Et je me suis occupé pendant 10 ans donc, des légumes. C'est-à-dire que j'étais là pour assister les exportateurs français de légumes et j'étais amené à faire des études de marché. Alors, ces études de marché, ça comportait beaucoup d'exploitation de ressources statistiques et je me suis rendu compte qu'il y avait des gros problèmes de traduction, d'interprétation de mots aussi banals que le mot « chou » ou le mot « endive », parce que « endive » en France, ça désigne cette espèce de fuseau blanc qu'on mange en salade, mais dans les pays voisins du nôtre, ça désigne surtout la scarole. Un autre exemple pour la carotte, les producteurs nantais s'étonnaient du fait qu'ils avaient de la peine à exporter leurs carottes aux Pays-Bas et en Allemagne. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces pays, il y avait deux types de carottes complètement différentes et que celle de Nantes tombait en plein milieu. Elle n'était pas soit trop grosse, soit trop petite. Les petites, c'est celles que vous voyez dans les mélanges petits pois à carottes. Hein, c'est la carotte de type Amsterdam Sebac. Et puis la grosse, après, alors c'est une grosse carotte de garde dont on fait des soupes, qu'on fait en déshydraté et dont on n'a pas forcément l'équivalent en France. Donc ça, grâce à justement une approche qu'on pourrait dire linguistique et ethnographique, ça m'a aidé, disons, pour mener ces études de marketing. Alors, comme j'avais envie de continuer des études, on m'a conseillé d'entrer en rapport avec Jacques Barrault, qui était à l'époque au professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, au labo d'ethnobotanique. Alors, quand je lui ai parlé de ce que je faisais, il m'a dit « Oh, ben écoute, je te conseille vraiment de voir Audricourt, c'est le seul qui puisse, te suivre pour ça. » Alors, donc, j'ai rencontré Audricourt, que je ne connaissais pas du tout, et je lui ai dit, ben voilà, je suis intéressé par les noms des plantes cultivées au travers des langues européennes en particulier, puisque nos exportations vont surtout vers l'Europe. Et il m'a dit, oh, ben écoutez, il y a deux groupes de plantes qui posent des problèmes, là. Il y a les haricots et puis il y a les choux. Alors bon, les haricots, ça vient d'Amérique, alors que les choux, finalement, l'avantage, c'est que l'essentiel de leur histoire, elle s'est déroulée en Europe. Donc, ça serait mieux. Donc, voilà comment j'ai été embarqué dans une thèse sur les noms des choux dans les langues européennes. Alors, bon, pendant longtemps, je me suis demandé vraiment si ça avait un quelconque intérêt. Enfin, moi, j'y voyais un intérêt, mais de là à en faire une thèse. Surtout qu'Audricourt, c'était un type quand même assez déroutant parce qu'il vous lançait des idées comme ça dont que vous ne compreniez pas tout de suite, vous les compreniez peut-être un jour ou deux après. Et puis quand il estimait que l'entretien était fini, on sortait ensemble de son appartement, parce qu'il travaillait dans son appartement uniquement, il n'a jamais eu de bureau. Et tout d'un coup, il me disait au revoir, et il tournait la tête et il s'en allait. Alors je me disais, mais est-ce que vraiment, est-ce que ça, je suis quelqu'un pour lui ou est-ce que c'est quoi? Je ne sais pas. Alors en fait, après, il m'a fait l'honneur de me demander de préfacer la réédition de son livre fondateur de l'ethnobotanique, justement, L'homme et les plantes cultivées. Et là, j'ai compris qu'en fait, pour lui, j'étais le seul de ses élèves qu'il voyait comme un continuateur de ce qu'il avait fait quand il avait été en stage chez Vavilov à Saint-Pétersbourg. Parce qu'à l'époque, je travaillais donc déjà au Bureau des ressources génétiques. Enfin, rapidement, je me suis mis à travailler au Bureau des ressources génétiques. Donc, voilà. Alors que ses élèves, à l'époque où je l'ai connu, étaient essentiellement des linguistes et un peu des ethnologues. Voilà. Et j'étais le seul, en quelque sorte, agronome, biologiste. Voilà. Alors, on va peut-être faire un petit point justement sur les noms que vous avez mentionnés. Donc, le pivot de votre carrière pour devenir ethnobotaniste, justement, ça a été cette rencontre avec André-Georges Audricourt. Alors, d'accord. J'ai fait un peu de recherche. Donc, le personnage est né en 1911. Il est devenu ingénieur agronome et il a été recruté dans un laboratoire CNRS du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, c'était non seulement un pionnier de l'ethnolinguistique, l'étude des langues dans les cultures humaines, mais en plus, un pionnier de l'ethnobotanique, justement, parce qu'il allait traduire du russe une anthologie des travaux de Nikolai Vavilov, qui était un botaniste et un généticien russe. Et du coup, l'ouvrage s'appelle « L'homme et les plantes cultivées » que vous avez donc préfacé. Donc, c'est ce livre qui sera considéré comme… Ce qui est incroyable, d'ailleurs, si vous permettez, que le disciple préface l'œuvre de son maître… C'est une situation tout à fait inouïe. C'est vrai que ça a dû être un sacré honneur, en tout cas. Et je fais juste une petite parenthèse du coup sur ce Vavilov, donc Nikolai Vavilov. Donc c'était un contemporain et un adversaire de Trofim Lysenko. Donc c'est un autre personnage duquel on vous a parlé dans le podcast. C'est Xil qui avait fait un dossier dans l'épisode 103 pour son utilisation un peu détournée de la science à des fins idéologiques sur la vernalisation du blé, etc. Il y a d'ailleurs un phénomène biologique qui a été nommé en l'honneur de Vavilov qui s'appelle le mimétisme vavilovien, qui est un phénomène assez amusant. amusant. C'est celui au cours duquel les plantes qu'on appelle adventices, c'est-à-dire celles qui poussent avec les plantes cultivées, elles peuvent au fil des générations développer des caractères qui ressemblent à celles des plantes cultivées. Et donc, un exemple frappant parmi ça, qui est souvent cité, c'est le seigle sauvage, qui n'avait pas vraiment d'intérêt agronomique et qui poussait d'ordinaire au milieu des champs de blé et d'orge. Et au fil des générations, par sélection des agriculteurs, il a fini par faire des graines plus grosses et c'est devenu une espèce annuelle cultivée et qui est intéressante particulièrement dans des milieux plus pauvres ou plus compliqués à cultiver que le blé ou l'orge. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples en tête, Michel, de ça, ou si vous voulez rajouter quelque chose. Je dois surtout dire que j'ai eu là aussi la chance d'introduire l'œuvre de Vavilov dans un bouquin qui est paru il y a quelques années, sur la théorie des centres. Parce que Vavilov, en fait, sa théorie la plus importante, c'est celle des centres d'origine. Et Vavilov, c'est vraiment le précurseur de l'étude de la diversité des plantes cultivées, de la façon dont elles se structurent, etc. Donc, il a une envergure bien supérieure à ce fameux Lysenko, qui n'a eu son heure de gloire que parce qu'il a produit un discours qui plaisait à Staline. Alors que Vavilov, lui, auparavant, avait été beaucoup soutenu par Lénine. Donc, Vavilov n'était pas communiste, mais il était foncièrement patriote. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est resté jusqu'à la fin en Russie. Et je rappelle quand même qu'il est mort de faim en prison pendant la Seconde Guerre mondiale, à une époque où, évidemment, tout le monde avait le dos tourné. Ouais. Donc, grosse période de l'histoire. Et c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ces personnages. C'est plutôt Lysenko qui est devenu très connu à l'Académie des sciences, ou l'équivalent de l'Académie des sciences russe, plutôt que Vavilov. Et pourtant, il a mené des travaux très très importants sur l'agronomie. Et voilà. Donc cette œuvre qui a été traduite en français par Audricourt est devenue un peu l'ouvrage fondateur de l'ethnobotanique française. On peut dire ça. Enfin, il y avait la contribution de Vavilov qui était d'ordre essentiellement génétique. Parce qu'on ne peut pas étudier les plantes si on ne comprend pas les rapports génétiques qu'elles entretiennent. Mais dans le bouquin d'Audricourt, il y avait pas mal aussi d'ethnologie que Vavilov abordait peu. Donc c'est le livre d'Audricourt est bien plus large que qu'une simple vulgarisation des idées de Vavilov. Ok. Et donc, Audricourt, ça avait l'air d'être un sacré personnage. Vous m'aviez envoyé un hommage à Audricourt que vous avez rédigé dans un article, et je mettrai le lien dans les notes d'émission pour nos auditeurs. Alors du coup, sur cette thèse, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce sujet de thèse et de cette collaboration ? C'est vrai que c'est un sujet qu'on ne croise pas tous les jours d'ailleurs, il y a certains articles sur Internet, comme un article dans Le Monde que j'ai trouvé à votre sujet qui s'appelle Michel Chauvet, un agronome près de ses choux. J'imagine que vous avez dû recevoir pas mal de commentaires sur le sujet. Voilà, parlez-nous un peu de cette thèse que vous avez faite avec Audricourt. Oui, on sait. Non, disons que les linguistes sont tout à fait familiers de ce genre de choses. Donc. Simplement, effectivement, à l'extérieur du monde étroit de la linguistique, disons que quand je disais que je faisais une thèse sur les noms des choux, ben, c'est pas seulement les choux, c'est l'ensemble des crucifères. Donc, il y a aussi les radis, les moutardes, les navets, etc. Disons que ça suscitait un peu l'incompréhension, en disant vraiment, à l'université, il faut faire des thèses sur n'importe quoi. Ça se limitait un peu à ça. Mais moi, ça m'a formé, mine de rien, à savoir observer finement les différences d'usage entre les langues et ce que ça peut cacher derrière. Je vous ai parlé de la carotte, pour laquelle derrière la carotte, il y a des usages différents. En Allemagne, on n'utilise pas les carottes de la même façon qu'en France. Mais pour parler des choux, par exemple, j'avais découvert que d'ordinaire, en chou en français, ça désigne le chou pommé blanc, essentiellement. Quand on dit chou tout court, c'est le chou pommé blanc. Par contre, si vous dites couve en portugais, ce n'est pas du tout ça. C'est du chou à feuilles qu'on coupe en fines lanières et dont on fait une soupe, donc ils raffolent, qu'ils appellent le carne verde. Et voilà, donc si vous traduisez chou par couve, vous vous trompez, vous induisez les gens en erreur. Et puis pour les commerçants, ça peut entraîner un litige commercial. Donc vous voyez qu'il faut faire attention. Donc voilà, d'un pays à l'autre, où par exemple, j'avais découvert que pour les douanes françaises, les choux pointus de Château-Renard étaient classés dans la catégorie choux autres. Parce que pour les Français, ce n'était pas des choux pommés. Or, les Allemands, eux, importaient ces choux, ces mêmes choux, dans la catégorie choux pommés, parce que leur conseiller botaniste leur avait dit, mais si, ils appartiennent au groupe Oleracea, Capitata, etc. Donc, c'est des choux pommés. Donc, voilà, des différences de point de vue entraînaient des différences dans les statistiques douanières et donc dans leur interprétation. Donc, bon, c'est tout ce... Et ça m'a amené aussi à débrouiller l'histoire de la classification et de la nomenclature botanique des choux, qui est particulièrement complexe. B, qui allait des choses qui allaient me servir par ailleurs. Justement, avant de parler un peu de botanique et d'usage de plantes, par curiosité, est-ce que vous aviez tenu à l'époque un répertoire de toutes les blagues, les expressions ou les proverbes qui impliquent des choux dans la langue française? J'avais consacré une petite partie effectivement à tout ça. Effectivement, le chou, il y a pas mal de. Et j'avais en particulier, j'ai mis longtemps. Parce que c'était pas seulement l'idée, c'était pas seulement de faire un inventaire de tous les proverbes et locutions, mais surtout de les comprendre. Et par exemple, pourquoi? Et je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi les bébés naissent dans les choux. Bon, sachant qu'on peut éliminer d'emblée le fait que les filles naissent dans les roses, parce que ça, c'est quelque chose de tardif, hein, qui est avant, tous les bébés naissaient dans les choux. Et en fait, j'ai découvert dans un livre écrit par une ethnologue alsacienne que c'est la, comment dire, c'est un dicton qui semble être né en Alsace. L'allusion, c'est que quand on va récolter les choux, on essaye de couper un peu le trognon, mais surtout, on prend le chou avec les deux mains et on le tourne pour casser la tige et pour essayer de l'extraire. Et c'est, disons, un des actes similaires au fait de prendre la tête de l'enfant pour le faire sortir du corps de la mère. Bon, donc il y a ça. Alors, cela dit, il y a en même temps, toujours centré sur l'Alsace, voilà, j'ai compris pourquoi c'est les cigognes qu'apportent les bébés aussi. C'est parce qu'en alsacien et en allemand, la cigogne se dit Storck. Et Storck, ça veut dire aussi bâton, puisque la cigogne, finalement, c'est un oiseau qui marche sur des bâtons, hein, sur des longues pattes. Et bâton, bien entendu, c'est un euphémisme pour désigner le sexe masculin. Donc, ça permet de faire entre adultes des blagues bien grasses sur le fait que c'est le storck qui apporte les enfants, ce qui est tout à fait exact d'un point de vue biologique, mais qui va être interprété différemment par les enfants. Donc, il y a plein de Incroyable. choses comme ça, mais c'est ça, les explications, à mon avis, sont beaucoup plus importantes que le fait de simplement d'aligner les locutions. Ah oui, tout à fait. Bah, vous m'apprenez quelque chose sur l'histoire des cigognes alors que je vis en Alsace. Voilà. Demandez si le mot Storck a un double sens en alsacien. Vous verrez, vous aurez confirmation ou non de ce que je vous dis. Oui, Que je pense. j'ai pas fait d'enquête précise en Alsace, mais enfin bon, je l'ai lu, hein, donc voilà. Ok, bah, merci pour cet éclairage. Bah, en tout cas, c'est vrai que quand on se plonge un peu dans la botanique et dans la nomenclature des plantes, on comprend rapidement en quoi les langues, ça peut être capital pour identifier des choses, et surtout dans le domaine de l'agronomie, quand on s'échange des végétaux. Nommer les plantes, c'est vraiment fondamental si on veut savoir qu'est-ce qu'on identifie, qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on échange. Et on s'imagine assez facilement que ça devait être un cauchemar avant qu'on invente déjà la nomenclature binomiale et qu'on donne un nom scientifique en deux parties aux plantes. Mais toutes ces vraiment résolu à ce moment-là, puisque pour chaque espèce, on a des noms communs, des noms de variétés, et surtout, chaque langue a sa propre façon de désigner l'espèce. par un autre nom commun. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment ça fonctionne actuellement la nomenclature botanique, et éventuellement qui décide de comment on nomme telle plante et comment on se met d'accord sur ces choses-là? Ouh là là, c'est un vaste sujet. D'abord, bon, il faut savoir que rien, si on ne parle que des plantes dites supérieures, il y en a plus de 260 000. Donc, les noms qui ont pu être créés pour ces plantes doivent dépasser le million ou les 2 millions. Voilà, donc on a affaire à des quantités colossales. Alors, dans le temps, disons, c'était un peu la tradition qui prévalait, c'est-à-dire qu'on s'appuyait sur des œuvres maîtresses. Alors, il y a eu donc Linné. Au départ, les gens ont suivi Linné par tradition, parce qu'ils ont reconnu en Linné le père de la nomenclature moderne. Et puis ensuite, ils se sont appuyés sur les deux candoles, sur la marque, etc. Ils ont suivi un peu la tradition. Alors, et peu à peu a émergé l'idée, je crois que justement, c'est Alphonse de Candolle qui est l'auteur un peu du premier code de nomenclature botanique, l'idée de dire il faut suivre en fait le nom du premier qui a décrit la plante. C'est ce qu'on appelle le protologue. On n'a pas le droit de changer un nom par pure convention ou etc. Il faut choisir le premier. Alors ça a été compliqué parce que par exemple Linné avait créé Linné croyait que les plantes cultivées n'étaient pas intéressantes, mais il tombait quand même dans le panneau. C'est-à-dire par exemple, le blé d'été, il l'appelait Triticum estivum, estivum pour été, et le blé d'hiver, il l'appelait Triticum hibernum, hibernum pour hiver. Bon, d'accord. En fait, maintenant, on sait que c'est la même espèce. Alors, les premiers botanistes qui ont voulu les réunir se sont dit, bon, on va l'appeler Triticum sativum, le blé cultivé, avec une forme estivum et une forme hibernum. Et puis après, bon, les règles de nomenclature sont devenues plus stricte et surtout plus, pas dogmatique, mais disons que on a dit non, sativum, il faut choisir entre le nom de Linné, les noms de Linné. Alors au début, on a cru que c'était estivum, et puis un jour, un collègue français justement a découvert une vieille flore ignorée où l'auteur avait privilégié le terme hibernum. Donc, on s'est dit, patatras, il faut tout changer. Alors là, quand même, les botanistes qui sont parfois raisonnables se sont dit, non, on ne peut quand même pas se permettre de changer tous les 20 ans le nom scientifique d'une plante aussi importante que le blé. Donc, ils ont décidé de conserver, c'est ce qu'on appelle de faire un nomen conservandum, et ce qui fait que le blé tendre, maintenant, s'appelle Triticum estivum. Alors, mais ce qui est intéressant dans ce nom-là, c'est qu'on voit qu'il ne faut pas lire les noms botaniques de façon, comment dire, littérale. Dire Triticum estivum, ça ne veut pas dire blé d'été. C'est le blé tendre. C'est de même qu'une plante qui s'appelle Niger, elle peut être blanche. Une plante qui s'appelle Chinensis, elle peut venir d'Amérique, etc. On s'en fiche. On n'a pas le droit de changer les noms sous prétexte que ils ne décrivent pas correctement la plante. On choisit toujours le premier nom publié. Alors après, bon, évidemment, il y a quand même beaucoup de controverses parce que là, je suis en ce moment justement sur une controverse sur Wikipédia à propos de l'orthographe d'un nom d'aublé. C'est une plante qu'il a appelée Guyanensis avec un I. Et on m'a autoritairement corrigé ce Guyanensis avec un I en Guyanensis avec un Y. Et je suis en conflit actuellement pour savoir si on doit écrire avec I ou Y. Alors bon, vous me direz, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais si maintenant, avec les bases de données, ça en a. Puisque comme vous savez, les ordinateurs, si vous écrivez d'une façon, il ne va pas reconnaître, à moins qu'il y ait une recherche approchée. Voilà. Mais alors, heureusement maintenant, quand même, les noms des plantes, on peut les savoir plus facilement quel est le nom correct en suivant les bases de données. Il y a un certain nombre de bases de données nomenclaturales qui facilitent quand même grandement le travail, même s'il y a des désaccords, etc. Alors moi, les bases de données que je préfère, d'ailleurs, c'est celles où il y a un curateur qui n'est pas un robot, donc, mais un bonhomme ou une bonne femme, qui lit les questions et qui y répond. Et j'en ai comme ça deux ou trois. Je suis très content parce que ça, d'ailleurs, ça fait un travail collaboratif, quoi. Vous soumettez des problèmes que vous avez rencontrés et on vous dit oui, vous avez raison, je viens de corriger. Ou alors non, vous avez tort pour telle et telle raison, etc. Et voilà. Bon, alors d'autres bases de données, par contre, n'ont pas de curateur, elles sont faites uniquement par des informaticiens qui compilent d'autres bases, et là, il n'y a personne. Alors bizarrement, d'ailleurs, Q a des outils qui fonctionnent comme ça, ce qui fait qu'ils ont l'air très bien, comme The Plant List ou comme la World Flora Online, et qui sont en fait des compilations non contrôlées par des botanistes. Q, pour nos auditeurs, du coup, c'est Q Gardens. C'est une des institutions à Londres, donc les plus prestigieuses en matière de botanique. Oui. Donc, The Plant List, le site vers lequel à peu près tous les botanistes vont regarder les noms des plantes, c'est un robot qui gère cette liste. Alors non, c'est-à-dire que The Plant List, au départ, partait d'une idée excellente, qui était celle d'agglomérer les bases de données de plusieurs origines. Alors, il y avait IPNI, International Plant Names Index, qui est le successeur du Q Bulletin et qui donc fait la liste de tous les noms validement publiés. Et il y a eu d'autres, une base australienne et une autre, etc. Donc, à un moment donné, c'était la seule base de données qui, a priori, réunissait l'ensemble des noms de plantes du monde. Mais alors le problème, c'est que The Plant List n'est plus mise à jour depuis au moins 3 ou 4 ans, et que par ailleurs, quand vous la consultez, vous voyez qu'un certain nombre de noms sont dits non résolus, unresolved, c'est-à-dire qu'aucun botaniste n'a été y mettre son nez pour résoudre les problèmes posés par la juxtaposition de ces bases de données. Donc c'est assez... Et maintenant, Q ne met plus à jour The Plant List, ce qui fait que ça, c'est un peu déplorable, parce que d'abord, ils ne suivent plus. Les noms des plantes n'arrêtent pas de changer. Hein, moi, oui. Je m'intéresse en ce moment aux plantes utiles de Guyane, plantes médicinales de Guyane, et je découvre que vraiment, une plante sur trois a changé de nom dans les 10 dernières années, parce que c'est des zones du monde qui ont été peu étudiées, et chaque fois qu'elles sont étudiées, il y a des révisions qui entraînent plein de changements. Donc, c'est très évolutif et il faut vraiment qu'il y ait des gens, des curateurs qui suivent tout ça de près. Autrement, les bases de données deviennent vite obsolètes. Oui, donc il y a des remises à jour régulières et aussi pour à cause du fait qu'on reclasse aussi les plantes, donc certaines changent de genre botanique ou de famille et du coup, on les renomme en conséquence parfois, quoi. Tout à fait. En particulier, puisque je parlais de la Guyane et des Antilles, si vous voulez, c'est des territoires qui sont très morcelés. Hein. Vous avez des Antilles françaises, des Antilles anglaises, des Antilles néerlandaises, il y a des Espagnols, il y a des Brésiliens, et chacun a publié des flores dans son coin, hein, que sur une île, etc. Et puis un jour, il y a des gens qui font la révision de l'ensemble des plantes d'un même groupe présent dans différentes îles et puis qui dit finalement non, ce qu'il y a dans une île A et une île B, en fait c'est la même chose, simplement il y a une forme qui a des fleurs un peu plus grosses ou un peu plus rouges, etc. Mais c'est la même espèce. Donc vous avez des remaniements dus au fait justement qu'il y avait un trop grand émiettage des études de départ qui avaient été faites sur ces plantes. Donc ça c'est normal. Et puis maintenant bien entendu il y a quand on fait la classification, c'est beaucoup sur la base de marqueurs moléculaires et d'approches qu'on appelle la cladistique, hein, qui a profondément renouvelé la classification des plantes. Tout à fait. Ok. Alors, du coup, vous, on va revenir un peu sur l'ethnobotanique. Vous, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet par le prisme de la linguistique, donc de l'ethnolinguistique. J'ai eu l'impression, en faisant les recherches pour le premier épisode, que c'était un peu une spécificité française de travailler particulièrement sur la linguistique. Est-ce que chaque pays a un peu sa spécialité? Qu'est-ce qu'il y a comme grand courant, finalement? Et à quoi ça ressemble aujourd'hui l'ethnobotanique française? Non, pour la linguistique, vous avez des Américains comme Klein, hein, qui ont fait des ouvrages vraiment fondateurs, hein, qui sont suivis d'ailleurs par les Européens etc. Donc, on ne peut pas dire ça. Alors, aux États-Unis, en fait, il y avait deux tendances dans l'ethnobotanique. Il y en a une qui est plutôt, justement, de ce qu'ils appellent eux-mêmes la « economic botany », la botanique économique. On dit les usages, mais d'un point de vue très appliqué. Et, il y a une, et ça donne lieu, d'ailleurs, à une excellente revue, une des meilleures revues d'ethnobotanique, qui est « economic botany ». Voilà, alors ça, c'est une des tendances. Et l'autre, c'est plutôt celle des archéologues. Mais évidemment, aux États-Unis, après avoir exterminé les Amérindiens, les États-Unis se sont mis à s'intéresser à leurs coutumes et à faire de l'archéologie des peuples amérindiens. Donc, ils avaient largement de quoi faire. Alors, en France, on a aussi, beaucoup d'archéologues, enfin, c'est des archéologues qui s'intéressent au territoire français, mais aussi au territoire du Proche-Orient. On a quand même, et en particulier, il y a des gens comme Henderson qui ont fait carrément de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire mm-hmm. qu'ils se sont mis à cultiver des champs de blé préhistoriques et de voir comment, quel rendement pouvait avoir en les cueillant avec des fossiles préhistoriques, etc. Enfin, donc il y a tout un tas de recherches qui relèvent plutôt de l'archéologie. Alors il y a une autre dimension qui est assez peu courue, qu'on appelle l'ethnobotanique historique. C'est-à-dire qu'il s'agit de, on travaille sur des livres anciens, pour retrouver l'histoire des usages des plantes, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, pour une raison très simple aussi, c'est que maintenant, je peux, depuis mon bureau, avoir accès à la plupart des livres anciens de botanique, grâce à Internet, alors que j'ai peu d'occasion de faire du terrain. Mais pour l'instant, c'est une dimension de l'ethnobotanique qui n'est pas très, très, très développée. Alors, on continue à avoir des enquêtes de terrain, même si en France ça devient difficile, parce que les vieux qui avaient les connaissances, eh ben, ma foi, ils tendent largement à disparaître. Alors, par contre, cette ethnobotanique de terrain, on l'a vu ressurgir en Espagne, en Italie et dans les pays d'Europe de l'Est, avec force, hein, mais c'est des pays qui avaient pris auparavant beaucoup de retard, hein, qui en étaient restés, disons, aux études qu'on appelait des folkloristes, puisque les précurseurs de l'ethnobotanique en Europe, c'était les folkloristes qu'on avait surtout au début du XXe siècle. Et du coup, il y a eu pas mal de collectages entre les années 60 et 80, non, en France, c'est ça? Oui, alors ben, surtout en Provence, mais aussi dans les Pyrénées, etc. Alors bon, il faut que je mentionne la Pierre Liotagui, bien entendu, qui est un des papes, ça ne lui plairait pas de se faire appeler pape, mais un des papes de l'ethnobotanique, et qui est un peu qui anime depuis une vingtaine d'années un séminaire d'ethnobotanique à Salagon, donc près de Mannes, où se rencontrent effectivement plein de gens, aussi bien des chercheurs que des praticiens ou des gens impliqués dans des actions de pédagogie vis-à-vis du grand public. Parce que quand on parle des plantes au grand public, en fait, inéluctablement, on est amené à parler d'ethnobotanique. Or, c'en est même parfois un peu lassant, parce que, je veux dire, quand on parle d'une plante, moi, je suis botaniste, pleinement botaniste aussi, pas seulement ethnobotaniste. Alors, mais je veux dire, je ne me pose pas à tout instant la question de savoir est-ce que ça se mange ou qu'est-ce que ça soigne. Bon, il y a quand même d'autres choses à apprendre que ça sur une plante. Oui, bah, je suis complètement d'accord, mais souvent les gens doivent comprendre, doivent avoir une raison de s'intéresser à quelque chose plutôt que. Donc c'est un assez bon prisme finalement pour les faire rentrer dans la botanique. C'est un mal pour un bien quelque part, non? Oui, bah, moi je me permets, je raconte aussi des petites histoires d'ordre linguistique. Oui, ça c'est aussi un autre type de question. Pourquoi cette plante porte-t-elle un nom comme ça? C'est pas évident. Alors effectivement, quand vous dites que le pissenlit, s'il s'appelle Taraxacum, qu'en fait Taraxacum, c'est un nom persan qui a été introduit par Avicenne et traduit en arabe et qui est arrivé de l'arabe au français, là les gens disent, ah bon, c'est quand même incroyable. Voilà. Donc il y a quand même des choses à dire. autre que l'aspect alimentaire et médicinal. Tout à fait. Alors, bah, pour revenir un peu sur votre parcours, donc vous avez travaillé au bureau des ressources génétiques, vous disiez, au Muséum d'histoire naturelle. Vous avez ensuite travaillé sur des missions de communication à l'INRA, à Montpellier. Et pendant votre carrière, vous avez été invité à écrire plusieurs préfaces, donc dont la préface d'Audricourt, du livre d'Audricourt. Et vous m'aviez parlé d'un ouvrage sur les pommes, je crois. Oui, ben, disons que ça, c'est l'anecdote qui m'a fait rencontrer Fernand Nathan, Voilà. puisque c'est un collègue qui travaillait dans un écomusée d'Île-de-France qui a écrit un bouquin sur les pommes. Et il voulait se faire préfacer par quelqu'un qu'il estimait pas prestigieux, mais disons dans les instituts, parce que le bureau des ressources génétiques à l'époque, ça paraissait comme quelque chose de très officiel et reconnu. Et donc, bon, il savait que de toute façon que je m'intéressais à l'histoire des plantes, hein, pas de problème. Donc, j'ai écrit effectivement une préface qui a plu à Fernand Nathan. Et donc, ce qui fait que Fernand Nathan m'a, comment dire, demandé, il m'a dit, ben voilà, on a une série sur des inventaires de flore et de faune. Alors, il y avait eu l'inventaire des races animales, l'inventaire des plantes protégées. Il dit, ben voilà, on vous propose d'écrire un inventaire des plantes alimentaires. Et ça a été le début de ma longue, pas traversée du désert, mais de ma longue, d'un long périple, puisqu'en fait, au début, d'ailleurs, j'avais rencontré quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui va me dire, Monsieur Chauvet, pour aller plus vite, vous pourriez tout simplement recruter des nègres. Je dis, ben, attendez, les nègres, ils vont éventuellement écrire ce qu'il y a de facile, et de toute façon, c'est moi qui me retrouverai à écrire ce qui est difficile. Donc, je peux aussi écrire ce qui est facile. Bon, seulement, évidemment, chaque fois que j'écrivais sur une plante nouvelle, je découvrais des problèmes nouveaux qui induisaient une recherche nouvelle. Ce qui fait que j'ai mis, comme vous le savez, pratiquement 25 ans à écrire mon encyclopédie. Il faut Oui, dire que, alors. bon, pour parler de 700 espèces, effectivement, si on ne veut pas se contenter de rabâcher les âneries qu'on trouve écrites dans la plupart des livres de vulgarisation, il faut quand même prendre le temps de faire des recherches. Oui, tout à fait. Mais alors, on va faire une pause justement sur ce livre. Donc, votre encyclopédie des plantes alimentaires, elle est sortie en 2018. C'est un ouvrage assez monumental, déjà parce qu'il fait 800 pages et qu'il pèse son poids, hein, c'est vraiment un gros livre, c'est une grosse 2,9 encyclopédie. kilos. 2,9 kilos, beau bébé. Voilà. Et alors, c'est un ouvrage qui est absolument formidable. Alors, je ne peux pas vous le montrer à l'antenne pour les auditeurs, mais il va falloir vous le représenter ou aller voir sur Internet. Ben moi, je l'ai là. Oui, Michel Chauvet, là avec nous, parce qu'on a la caméra, mais dans le podcast, ils ne pourront pas le voir, Non, mais. malheureusement. Donc, c'est un ouvrage qui est non seulement très complet, donc il y a 700 espèces décrites, il y a 1200, plus de 1200 illustrations. Ah oui, je C'est crois des... même que c'est 1500 ou plus, ou 1800 même. Ouais, 1800 illustrations, enfin chaque plante a plusieurs illustrations. C'est des illustrations qui sont toutes faites à la main. Et c'est photoréaliste quasiment. Et donc voilà, c'est un travail vraiment monumental. Les plantes sont toutes classées par famille avec leur nom de genre. À chaque section, il y a des détails sur la biologie, les variétés, l'histoire de l'espèce, ses usages et son importance économique. Vraiment, c'est titanesque. Donc vous disiez, ça vous a pris 25 ans et vous avez eu deux, trois péripéties pendant l'écriture de cet ouvrage. Je ne sais pas si vous voulez en parler du coup. Des péripéties de divers ordres. Disons que la première, évidemment, c'est que la personne qui me suivait chez Nathan a fini par partir à la retraite, hein. Et puis surtout, c'est que Nathan ayant été racheté par Planeta, je crois, le groupe espagnol, ils ont décidé d'arrêter la publication de cette série d'inventaires parce que c'était des séries prestige, hein. C'est des séries donc, qui ne répondaient pas aux critères des financiers. Vous savez, les financiers, c'est des gens qui veulent qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ils calculent pour chaque bouquin s'ils vont pouvoir rentrer sur les investissements dans les 2 ans qui suivent. Si ce n'est pas le cas, on zappe. Bon, et donc, je me suis retrouvé sans éditeur. Alors, une des personnes qui suivait mon bouquin dans chez Nathan était passée entre-temps aux éditions Le Robert. Alors, Le Robert, ils m'ont fait lanterner pendant 2 ans pour finalement me dire, mais mon pauvre monsieur, vous comprenez, aujourd'hui, vu la situation du marché du livre, nous ne pouvons plus nous permettre de publier des ouvrages d'érudition. Bon, donc, tant pis pour les éditions Le Robert. Je croyais que c'était justement qu'ils étaient spécialistes des ouvrages de haut de gamme. Hein, mais voilà. Alors, donc grâce à une botaniste, d'ailleurs, Aline Reynal-Roch, hein, qui a fait un bouquin fameux sur l'introduction à la botanique redécouverte, hein, qui est un livre que nous recommandons toujours aux débutants. Donc, elle m'a introduit un peu chez Belin. Et donc, le bouquin donc, a été réalisé par Belin. Mais au dernier moment, on a eu une petite alerte, à savoir que Belin, qui venait de fusionner avec les presses universitaires de France, là aussi, il y a des financiers qui ont dû arriver et qui ont dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Et on arrête. Et alors seulement, le livre était en fait, Belin avait déjà investi totalement. Le livre était déjà entièrement mis en page. Il n'y avait plus qu'à l'envoyer à un imprimeur. Donc là, ça aurait été un peu couillon d'arrêter comme ça. Et puis, je suppose que j'avais de bons alliés dans la place, ce qui fait que le livre est paru. Mais je dis à qui veut m'entendre que, bon, je ne sais pas si je serai là dans 10 ans ou dans 20 ans, mais peut-être qu'à ce moment-là, on dira « Ah, ben, pour des livres de cette nature, l'encyclopédie de Michel Chauvet a été une des dernières à être publiée sous format papier. » Parce que c'est vrai que des encyclopédies comme ça, maintenant, avec la numérisation, c'est la tentation, hein, pour les éditeurs, c'est de dire bon, on fait uniquement en numérique. Oui. Et puis, il y a les encyclopédies comme Wikipédia ou autres qui disent bah, après tout, pourquoi écrire des bouquins alors qu'on a déjà tout ça sur Internet gratos. Bah c'est vrai que moi, je consomme beaucoup de livres de vulgarisation sur les plantes, tout ça, et on n'a jamais la sensation d'aller vraiment au fond des choses. Là, dans l'encyclopédie des plantes alimentaires, on a l'impression que c'est un peu la Bible, il y a vraiment, vraiment tout. Et c'est un ouvrage qui reste, quoi. Merci, mais surtout, ce que je reproche aux livres de vulgarisation, c'est d'écrire de façon floue, parce que tout simplement, les auteurs n'ont pas cherché à se documenter, ça c'est le plus fréquent, mais surtout c'est que voilà, qu'ils ne donnent pas leurs sources, alors que moi j'ai essayé le plus possible de donner mes sources, et maintenant avec Plantius, je le fais encore plus, parce que c'est seulement en donnant ses sources qu'on a la garantie à moyen terme de pouvoir éliminer un peu les idioties qu'on peut laisser traîner. Oui, alors on va revenir justement sur Plantius, juste avant de terminer. Donc vous avez écrit l'encyclopédie, vous êtes auteur d'autres ouvrages aussi, notamment des livres pour enfants, je crois, dont un que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « La diversité des céréales ». Oui, alors c'est une série qui était excellente. C'était un format, en fait, le livre, il y avait une conception d'ensemble, hein, graphique, et le problème pour l'auteur du texte, c'était que son texte devait se couler dans les images. Donc, ce n'était pas évident. Mais la série était excellente. Et en plus, ils en ont confié la rédaction à chaque fois, chaque volume, à des auteurs vraiment compétents. Alors, malheureusement, ils ont arrêté, ce qui est un peu bête. Cela dit, ça n'a pas été simple pour moi, parce que à chaque fois que j'envoyais mon texte, ils me disaient que c'était trop compliqué, qu'il fallait que je simplifie, etc. Ça a été vraiment très très difficile, au point d'ailleurs que maintenant je considère que c'est pas à quelqu'un comme moi d'écrire ce genre de bouquin, c'est plutôt à des vulgarisateurs justement qui vont reprendre des textes plus scientifiques et les adapter parce que vraiment. Alors cela dit, là en même temps. Mon bouquin, donc, à l'époque, ma mère était de ce monde, et je, je lui ai montré mon bouquin en lui disant, oui, tu sais, c'est fait pour des gamins de 12 ans, de 12-14 ans. Et elle l'a feuilleté, elle m'a dit, mais tu sais, bah, c'est exactement ce qu'il me faut pour moi. Je dis, bon, ben d'accord, c'est très bien. C'est pas seulement pour des gamins, quoi. Ok, bah alors il y a une question dans la chatroom là, qui ferait une excellente transition pour la suite. Un auditeur heureux dans la chatroom, c'est son pseudonyme, demande pourquoi ne pas avoir publié ça dans Wikipédia ou en open source, vu que d'après tous les éditeurs, vous ne gagneriez pas d'argent avec le livre, puisque ça coûtait trop cher. Alors ça fait vraiment une excellente transition, puisque sur la fin de votre carrière, vous avez contribué à un programme de développement d'une base de données qui recenserait l'usage, enfin les usages des plantes utiles, qui s'appelle Plantius. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur comment ce projet est né? Oui, alors d'abord pour mon encyclopédie, je dirais que c'est... moi, en fait, finalement, j'ai découvert que je gagnais un peu d'argent. Et c'est surtout l'éditeur qui pensait qu'il n'allait pas en gagner. Hein, c'est pas l'auteur. Parce que l'auteur, à la limite, bon, je ne dirais pas que je m'en fiche. Je suis très content de gagner de l'argent. Mais je n'ai pas fait ça pour ça. Hein, j'ai fait ça plutôt pour la gloire, en quelque sorte, pour laisser une trace voilà, dans le monde. Mais bon, alors par ailleurs, oui, alors Wikipédia, je le pratique un petit peu, et je dois dire qu'il y a quand même un gros problème dans Wikipédia, c'est qu'il faut sans arrêt négocier ce qu'on va mettre dans Wikipédia avec plein de personnes qui n'ont pas pas forcément la même façon de voir, etc., etc. En fait, c'est très compliqué, ce qui fait que je le fais très peu, parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps à négocier pour des choses qui me semblent aller de soi ou quoi. C'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise sur Plantuse. Mais alors, cela dit, une encyclopédie, je crois que c'est quand même, comment dire, l'encyclopédie, ça m'imposait un format. C'est-à-dire que pour chaque, il fallait que je rédige et que je rédige toujours un peu des choses similaires pour chaque espèce. Et je n'allais pas mettre 10 pages pour une espèce et un paragraphe pour une autre. Il fallait que j'écrive de façon relativement équilibrée. Voilà. Alors que sur Plantuse, en fait, c'est entièrement libre. Je mets d'abord, c'est un wiki, donc je mets les données au fur et à mesure que je les trouve. Alors, il peut y avoir des espèces importantes pour lesquelles il n'y a rien, parce que pour l'instant, je n'ai pas utilisé de sources correspondantes. Et surtout, je ne cherche pas à rédiger, justement. Je ne fais pas du Wikipédia, autrement dit. Parce que je fais des liens vers Wikipédia. Donc, si vous voulez des choses, des synthèses rédigées, vous allez voir carrément Wikipédia. Par contre, je mets des choses en complément, et en particulier l'accès à des sources. Et en particulier, je mets en ligne des livres entiers, soit des livres anciens qui sont libres de droit, soit des livres récents dont les auteurs et les éditeurs m'ont donné leur accord. Hein, par exemple, le livre sur les plantes médicinales de Guyane, c'est un livre qui est paru vers, je crois que c'est 2004, mais les auteurs et l'éditeur qui est l'IRD ont été d'accord pour que je le mette en ligne, parce que c'est un ouvrage quand même qui est très savant, et donc dont la durée de vie commerciale est quand même a priori limitée. Donc le mieux, c'est qu'il soit valorisé au mieux, et donc je le fais. Et de même, l'Office national des forêts m'a donné l'autorisation de mettre en ligne un livre sur les arbres des petites Antilles. Alors à chaque fois, ça me demande quand même plusieurs mois de travail, hein. C'est pas facile, ça prend du temps de tout formater, mais au moins comme ça, le lecteur peut, par quelques clics, avoir accès à plein de données, et là, c'est des données forcément sourcées, puisqu'elles ont été publiées. Ce n'est pas des ressucés de quelqu'un qui a compris de travers quelque chose. Alors, ouais, moi, j'ai découvert cette plateforme, donc Plantus, qui se veut fonctionner comme un Wikipédia collaboratif, mais sur les usages des plantes. Et c'est vrai que c'est aussi une petite mine d'or avec toutes les sources qu'il y a, les accès au texte, comme vous disiez. Alors, voilà, est-ce que vous pourriez nous retracer un peu comment finalement cette plateforme est née, dans quel contexte c'est né, et quelles ont été les difficultés pour mettre ça en place? Alors, en fait, donc, j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas mon site personnel. Hein, c'est un site collaboratif. N'importe qui peut s'inscrire et se mettre à écrire. Il vaut mieux évidemment qu'on discute entre nous, parce que si on n'est pas d'accord, ça pourrait y avoir des problèmes. Mais voilà. Alors, Plantios, en fait, au départ, c'était un cas d'étude d'un programme plus vaste qui s'appelait PlantNet. Et alors, PlantNet, il y avait plusieurs dimensions, et il y en a une qui a donné lieu d'ailleurs à un outil qui est maintenant très utilisé, qui est cette application sur smartphone qui permet, en prenant une simple photo, la photo d'une plante, on questionne un serveur et le serveur dit il y a tant de chances que ça soit telle espèce. C'est l'identification assistée par ordinateur. Et ça marche très très bien dans la mesure où il y a les photos correspondantes dans la base évidemment. Oui. Donc voilà. Donc au départ, oui, Plantios, c'est quelque chose que j'ai fait dans les dernières années de ma vie professionnelle, donc au laboratoire de botanique AMAP de Montpellier. C'est un wiki qui est c'est indépendant, ça dépend d'aucune structure, même si ça a été financé donc dans le cadre d'un projet soutenu par Agropolis Foundation, etc., etc. Et en fait, celui qui a créé PlantNet avait été en rapport avec un Allemand qui lui s'occupait d'un consortium qui s'appelle BioWikiFarm. Et BioWikiFarm, c'est un accord entre plusieurs grosses institutions de sciences naturelles européennes, hein, le Musée d'histoire naturelle de Berlin, une institution en Italie, plusieurs, qui se sont mises d'accord pour mettre sur un serveur le logiciel MediaWiki et héberger des wikis. Parce que MediaWiki est un logiciel particulièrement performant, comme on le voit pour Wikipédia, parce que c'est un logiciel qui permet de gérer des millions de pages. C'est pas rien. Et MediaWiki est entièrement libre, donc vous pouvez entièrement le récupérer, l'installer sur un autre ordinateur. C'est ce qu'ils ont fait. Et dans le consortium, ils garantissent la pérennité du système. C'est-à-dire que si une institution veut s'en retirer et arrêter de payer, c'est ça que ça veut dire, eh bien, elle accepte que les autres continuent et que les contenus qu'il y a sur les wikis continuent. Donc, il y a une garantie de pérennité. Le fait que ça soit le logiciel MediaWiki, c'est une autre garantie du fait que ça ne va pas devenir obsolète d'un point de vue informatique, hein, parce que ça, je connais déjà plusieurs sites web qui ont arrêté parce que les responsables étaient incapables de mettre à jour leur logiciel, etc., ou qu'ils ne le pouvaient pas. Voilà. Et puis alors, également, Plantios, comme Wikipédia, est en licence Creative Commons, CC BY-SA, hein, ce qui fait qu'en fait, n'importe qui peut recopier tout le texte que j'ai mis dans Plantios. Alors, on pourrait dire, ah ben oui, mais comme ça, je vais me faire voler. Alors d'abord, faudrait vraiment, ça serait se donner du travail hein, plutôt qu'autre chose. Mais c'est surtout la garantie pour que le jour où malheureusement je ne serai plus là, on n'est pas à se poser la question des droits d'auteur, de savoir si, ah ben oui, mais ça c'est Michel Chauvet qui a écrit ça, donc on n'a pas le droit de l'utiliser, il faut attendre 70 ans après sa mort pour l'utiliser. C'est terrible les droits d'auteur, vous vous rendez compte, 70 ans. Donc vous ne pouvez pas réutiliser et actualiser les œuvres des scientifiques avant qu'il se soit passé 70 ans. Pour la science, c'est idiot tout simplement. Les œuvres littéraires, bon, ça se conçoit, mais pas pour la science. Alors, donc, en mettant d'emblée tout en licence libre, ça garantit justement la pérennité. Et par ailleurs, et je dis qu'on peut tout me piquer, c'est que par exemple, les Allemands, ex-Allemagne de l'Est, à Gartersleben, avaient fait une base de données très intéressante sur la nomenclature des plantes cultivées. Je connais les gens qui l'ont fait, je connais le curateur qui maintenant vient de partir à la retraite, etc. Et je leur avais dit, mais écoutez, pourquoi vous ne mettez pas votre base de données en licence libre? Parce que je leur ai dit, moi, mes informaticiens m'ont dit que si je voulais, je pouvais entièrement récupérer la base de données et la mettre sur Plantios. Alors, vous voyez, je l'aurais déplacé, je l'aurais entièrement pompé et mis ailleurs, mais ça aurait été la meilleure des choses qui puisse arriver, parce que cette base de données, elle n'a pas évolué depuis plus de 20 ans, Et pour une base nomenclaturale, ça, c'est rédhibitoire. Elle est devenue complètement obsolète. Et les nouvelles autorités allemandes n'ont aucune envie. D'abord, les chercheurs qui s'en occupaient ne sont plus là. Il n'y a plus personne qui s'intéresse à ces questions-là. Donc, la base de données est devenue ce que j'appelle une base de données orpheline. Et malheureusement, c'est le danger qui arrive à d'innombrables bases de données de par le monde et qui, justement, peut être pallié par l'usage de licences libres. Oui. Donc, du coup, Plantius, actuellement, vous êtes le principal contributeur. Mais tout le monde peut venir et ajouter ses recherches bibliographiques, ses annotations et ses sources, eux aussi, vraiment tout le monde. Tout à fait. Bah, j'ai d'ailleurs écrit plusieurs pages pour dire le type de travail qu'on pouvait faire sur Plantius, le type de choses que j'apprécierais, etc. Alors en fait, j'ai un contributeur fidèle là, depuis maintenant un an ou deux. Et c'est quelqu'un qui, un jour, sur Tela Botanica, nous a informé de manière générale. On dit, oui, voilà, je suis à la retraite et j'ai envie de trouver une occupation plus ou moins routinière, mais pour continuer à laisser mes neurones actifs, etc. Donc, si vous êtes, je suis preneur de toute tâche que vous voudrez bien me confier, etc. Alors, je sautais sur l'occasion et en même temps, en me disant, oui, mais ce que je vais lui demander, ça va être vraiment routinier, un peu le rasoir, etc. Et puis, il s'est pris au jeu et il contribue à toiletter, disons, les textes de la flore populaire d'Eugène Roland. Alors, la flore populaire, il faut dire un peu ce que c'est un folkloriste, justement, un linguiste qui, au début du XXe siècle, a parcouru toute la France avec son vélo pour recueillir les noms des plantes chez les paysans partout en France. Et c'était l'époque aussi de l'Atlas linguistique de la France. Et voilà. Et il a publié... Alors, la flore actuelle, elle existe, il y a 11 volumes. Alors, il a pu en publier 5 ou 6. Le relais a ensuite été pris par un de ses collègues, qui malheureusement est devenu aveugle avant la fin de la publication, ce qui fait qu'il reste 2 volumes à publier, on ne sait pas où ils sont. Mais voilà, mais c'est un travail fabuleux qu'on ne pourrait pas refaire, parce qu'évidemment, maintenant, aujourd'hui, la plupart de ces mots ont disparu avec les gens et les sociétés paysannes. Donc voilà. Alors, les bouquins donc, ont été scannés, mais le problème, c'est que le résultat du scan, ce qu'on appelle l'OCR, hein, le texte brut, contient beaucoup d'erreurs. Et donc, il faut relire tous les textes pour les toiletter, les nettoyer, et en faire un texte propre qui soit vraiment utile. Mais c'est quelque chose, comme je dis des fois, quand on a souvent des questions sur des noms français des plantes, et je dis immédiatement aux gens, écoutez, arrêtez, stop, vous commencez par lire ce que dit Eugène Roland, et ensuite on en discute. C'est pas la peine, on va pas réinventer la roue, il y a quelqu'un qui a fait un boulot fondamental au début du XXe siècle, autant en profiter. Donc voilà. Et alors, ce travail est en train d'être fait tranquillement. On a maintenant à peu près la moitié des volumes qui sont mis au propre. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvrages comme ça que vous visez à mettre en ligne dans les prochains mois, années ? Alors, il y en a un qui est terminé, qui est celui de Cazin. Cazin, c'est un manuel, c'est un docteur au pied nu, si on peut dire, qui soignait au XIXe siècle, qui soignait les paysans avec les plantes locales. Hein. Il était assez remonté contre les pharmaciens qui prenaient des prix exorbitants pour des drogues exotiques. Ah bon, ça, c'est son truc. Cazin, c'est vraiment le manuel de matière médicale du 19e siècle. Alors, je m'en étais assuré, parce que je ne fais quand même pas n'importe quoi simplement parce que ça passe à ma portée, c'est que j'avais demandé son avis à Pierre Liotagui, qui m'a dit qu'effectivement, c'était le meilleur livre de cette période et qui d'ailleurs m'a autorisé à mettre en ligne une préface qu'il avait justement écrite pour un reprint de cet ouvrage. Voilà. Alors, ben, dans les tuyaux, il y a plein de choses. Il y a ce livre sur évidemment, donc les plantes médicinales guyanaises qui est à terminer, ça me prend quand même pas mal de temps. L'IRD m'a autorisé à mettre deux ou trois autres livres. Il y en a un sur les fruitiers d'Océanie que j'ai le boulot à faire. Et puis, autrement, c'est pas ça qui me. Parce que je souhaiterais aussi. Vous voyez, souvent on fait des citations vagues ou de deuxième ou troisième main. Par exemple, pour les plantes d'Amérique, on va dire voilà, l'Inca Garcilaso de la Vega a dit que, ou Oviedo a dit que. Moi, je souhaiterais récupérer toutes ces données pour qu'on puisse lire les données directement sans avoir à chercher dans les... Parce que les livres sont disponibles sur Internet, bien entendu, mais c'est assez pénible d'aller fouiller dedans. Alors, oui, parmi les... Sur des scans, c'est compliqué aussi. Des fois, c'est écrit... on lit plus tout bien. Là, vous retranscrivez du coup en texte... Ah oui, je retranscris en format texte. Ouais. C'est-à-dire que j'extrais le texte en OCR, donc, et je le nettoie et je le formate. Et surtout, je fais les liens vers les pages espèces. J'essaye de réidentifier les plantes quand ce n'est pas fait. Parmi les choses que je ferai probablement prochainement, il y a celui des noms. Il y a un dénommé Aublé, qui est l'auteur de la première flore de la Guyane. Avec un autre collègue, on a mis en ligne maintenant toutes les illustrations d'Aublé sur Wikimedia Commons, hein, qui est le serveur image de Wikipédia. Et une prochaine étape pour moi, ça va être de récupérer justement toutes les notations ethnobotaniques d'Aublé et tous les noms qu'il a utilisés. Parce que Aublé, il a pas du tout suivi Linné, parce que Linné voulait donner aux plantes uniquement des noms en latin et en grec et bannissait ce qu'il appelait les noms barbares, ceux qui venaient de toutes les autres langues. Et Aublé, lui, il a fait exactement le contraire, c'est-à-dire que la plupart de ces noms sont dérivés des langues amérindiennes, ce qui fait que ça n'a pas beaucoup plu aux botanistes de son époque, mais c'est quand même vachement intéressant. Donc là, j'ai envie de contribuer à valoriser donc, la flore. Alors, il faut se payer, évidemment, il faut lire toute la flore d'Aublé, et puis en extraire, ça demande quand même pas mal de temps. Oui, c'est un travail vraiment de fourmi et de titan en même temps. Voilà. Ou comme on dit, de moine copiste. De moine copiste, c'est... J'avais à un moment, j'avais un collègue qui maintenant est passé à autre chose, mais qui avait entrepris de mettre sur Plantius quelques extraits de l'œuvre de... Comment ça s'appelle, le manuel d'agriculture de l'abbé Rosier, qui est une référence aussi dans le domaine de l'agronomie. Et comme il faisait ça, puis je lui ai dit, mais attends, là, c'est pas forcément... Pourquoi ne reprendre que ce qui concerne les plantes? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre en ligne tout le traité d'agriculture de l'abbé Rosier? Et à ce moment-là, il y a un outil qui existe pour ça, qui est Wikisource. Wikisource, c'est un des modules de Wikipédia, et qui, justement, où on retranscrit fidèlement tout le contenu des... Par exemple, toute l'encyclopédie Diderot et d'Alembert est disponible sur Wikisource. Mmh. Et alors, il a commencé à faire ça, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui a dit « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, attends, je vais t'aider, etc. » Donc, il lui a mis... Parce que c'est pas évident hein, de formater le travail dans Wikisource. Et puis, ça a démarré. Et à ce moment-là, est arrivé un religieux qui s'est mis à etc. Alors mais si ah ben, c'est ça y est, on a retrouvé les moine copistes hein, qui maintenant toilettent des textes OCR en wiki. Une alliance en quelque sorte du monde moderne avec le Moyen Âge ou la Renaissance. C'est très bien. Voilà, c'est une profession qui a bien évolué, mais qui revient du coup sous cette forme-là. Une fois que quelque chose est sur Wikisource, par exemple, moi, d'un simple copier-coller, je peux le copier dans Plantius. Mm-hmm. Parce que c'est le même logiciel, il y a les mêmes balises et tout. Donc, si vous voulez, je n'ai pas à faire le travail deux fois. D'accord. Donc, sur le site de Plantius, il y a une petite liste de tout ce que les gens peuvent faire pour contribuer justement à Plantius. Moi-même, j'ai testé, parce que j'y connaissais rien à Wikipédia, tout ça, et j'ai testé de faire des traductions de pages en anglais, parce que du coup, il y a la possibilité aussi de mettre des choses dans d'autres langues. Donc, je peux témoigner pour les auditeurs qu'une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, ça ne prend pas tant de temps que ça. Donc, si vous avez quelques minutes pour vous consacrer à ce genre de tâches, vous laisserez une trace dans l'histoire de l'Internet et vous contribuerez à étoffer Plantuse. Donc, pour vous, là, en l'état, c'est une base de données. Vous aimeriez bien qu'elle devienne, qu'elle se pérennise, qu'elle devienne une référence nationale, internationale. Enfin, qu'est-ce que vous avez comme ambition pour Plantuse? Oui, moi, disons que pour moi, c'est, comment dire, le problème d'Internet, c'est le foisonnement des initiatives, puis on ne sait jamais trop si on tombe sur un site sérieux, un site pas sérieux, etc., etc. Chacun développe des choses dans son coin. Je pense que évidemment, on est encore au début de cette ère numérique, donc c'est un peu normal. Mais Plantuse, pour moi, a vocation à, du fait qu'il utilise des outils facilement familiers à beaucoup de gens quand même, parce que les gens qui travaillent sur Wikipédia, il y en a quand même pas mal. Je souhaite que ça devienne un peu le hub, comme on dit, de l'information sur les plantes utiles, ne serait-ce que par tous les liens qu'il peut y avoir. Donc, plutôt que d'aller chercher au hasard avec Google, même si les algorithmes de Google deviennent de plus en plus sophistiqués, autant avoir un site dédié où les informations sont quand même un minimum validées et triées. Et de première main, au maximum, quoi. Malheureusement, comme j'étais donc dans le milieu de la recherche, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de plaider la cause devant des chercheurs, et les chercheurs en fait n'ont aucune incitation à faire ça parce que ça n'entre pas dans leur processus d'évaluation. Donc vraiment, le temps qu'ils pourraient consacrer à Plantuse, ça serait du temps perdu pour eux, pour leur carrière, donc je le comprends. Mais d'un autre côté non plus, les institutions n'ont pas trop envie, parce que les institutions, elles veulent absolument que leur logo soit sur tout ce qu'elles font. Aujourd'hui même, j'ai envoyé un message au CIRAD, parce que j'ai vu que le CIRAD avait mis en ligne plein de collections anciennes, et en particulier des photos d'une xylothèque avec des milliers de photos de bois, et je leur dis, d'ailleurs, vous pouvez contribuer si vous voulez, vous mettez tout ça sur Plantuse, pas de problème. Mais est-ce que, encore faut-il que, voilà, c'est, disons que ça ne correspond pas forcément à leur intérêt institutionnel. Oui. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le CIRAD, donc c'est le Centre de coopération internationale en recherche pour le développement. Et du coup, c'est un institut de recherche qui travaille beaucoup sur des questions agronomiques. Eux aussi ont des ressources à partager peut-être sur des plateformes comme Plantuse. Plantuse, ça pourrait devenir monumental. Je rappelle à nos éditeurs, si vous voulez contribuer, allez-y, faites-vous plaisir, prenez un peu de temps pour de l'open source et de l'action gratuite. Et si le domaine de l'ethnobotanique vous intéresse, il y a également un forum dédié à ces questions sur le site de Tela Botanica. Donc Tela Botanica, c'est une association qui vise à promouvoir la botanique à travers la France. Et Michel, vous faites partie de son conseil scientifique et technique, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots peut-être sur les projets actuels de l'association? Est-ce que vous discutez au Conseil scientifique et technique en ce moment? Et quelques mots sur l'importance peut-être de ce réseau de botanistes? Écoutez, quand le réseau est né, il faut dire qu'il y avait des associations naturalistes d'un côté. Il y avait d'autre côté le muséum qui campait un peu dans son splendide, pas isolement, mais disons un peu loin des utilisateurs. Et il y avait les conservatoires botaniques nationaux qui travaillaient. Chacun travaillait dans son coin, si vous voulez. Et Tela Botanica, en quelque sorte, a permis de faire que les gens se connaissent les uns les autres et discutent entre eux. Et le simple fait de la discussion, on peut dire, du travail collaboratif, ça a apporté quand même vraiment beaucoup de choses. Et par exemple, on parlait de nomenclature tout à l'heure. Le forum, on a un forum de nomenclature sur Tela Botanica et qui réunit probablement les meilleurs nomenclaturistes de France. Hein, donc, c'est pas... voilà. Et puis, et la chose qui n'était pas prévue au départ, c'est que Tela Botanica a créé un forum Afrique du Nord qui rassemble en fait les chercheurs en botanique du Maghreb, essentiellement. Et c'était quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire chez eux. Comment dire, Tela Botanica apporte vraiment un plus. Donc, ouais, bon, alors l'avenir bon, on est quelques-uns à dire que, bon, il faudrait que Tela Botanica s'ouvre. Alors, il y a s'ouvrir à l'Europe, c'est un tout petit peu en cours, mais, et puis s'ouvrir également donc, au monde anglophone, et en particulier traduire le site de Tela Botanica en anglais. Donc ça, mais bon, visiblement pour un certain nombre de botanistes, ce n'est pas nécessairement une priorité. Donc ça, alors, oui, parce que pour le travail collaboratif, il faut des collaborateurs hein, pour le mener. Donc des fois, on manque un peu de troupes. Et c'est vrai que donc Tela Botanica pilote pas mal de projets, dont des MOOC sur la botanique qui sont diffusés chaque année. Ils pilotent des fiches de plantes sur un outil qui s'appelle l'iFlore, où on peut aller consulter des informations sur chaque plante qu'on identifie. C'est relié à l'application PlanteNet, du coup, qui nous permet d'identifier des plantes sur le téléphone. Donc, c'est vraiment un ensemble d'outils et de choses qui permettent à des botanistes amateurs qui débutent de faire plein de choses. Donc, c'est vraiment assez impressionnant tout ce qu'ils font, je trouve. Disons que le créneau que finalement Tela Botanica s'est vu reconnaître par tout le monde, y compris donc par le CNRS et maintenant par le Muséum, hein, c'est celui de pouvoir d'animer des réseaux. Mm-hmm. Parce que les institutions, elles savent créer des applications informatiques, etc., des gros machins, mais pour animer des gens, ça, ils ne savent pas trop faire. Hein, et Tela Botanica, en fait, c'est ça un petit peu, à la fois par le biais d'une équipe permanente et aussi par les bénévoles qui s'impliquent dans les différents outils. Donc, c'est, voilà, ce qui fait que Tela Botanica, c'est un peu, vient en complément, en quelque sorte, de ce que peuvent faire les différents groupes. Et ça centralise aussi pas mal. Par exemple, parmi les choses non anticipées, c'est que Tela Botanica s'est mise à publier des offres d'emploi mm-hmm. qu'on lui communiquait. Et finalement, Tela Botanica est maintenant devenu le lieu où les gens qui cherchent un boulot en botanique vont de préférence parce que c'est là qu'il y a le plus d'offres d'emploi. C'est assez amusant, on n'y aurait pas pensé au départ. C'est un peu le Facebook des botanistes maintenant, quoi. Oui, bah alors Facebook, évidemment, vient en concurrence. Là, je ne sais pas de quoi demain sera fait, parce qu'il est clair que Facebook a une notoriété bien plus grande que Tela Botanica. Hein. Mais bon. Alors, Tela Botanica a une page Facebook, un compte Twitter, tout ça. Vous pouvez aller vous abonner, c'est les auditeurs. Ah oui, non, parce que quand même, à Tela Botanica, l'équipe permanente est faite de petits jeunes hein, qui souvent bousculent un peu les vieux ronchons du conseil scientifique et technique. Hein, donc, il y a une tension, qui est productive. Hein. Personnellement, bon, puisque je ne fais plus partie des perdreaux de l'année, personnellement, je suis très content d'être justement dans Tela Botanica parce que ça me maintient jeune. Quoi. Autrement, on a tendance toujours à se replier. Hein, voilà. Quoi. Bon, bah. Du coup, à présent, vous êtes retraité, mais vous n'avez pas pris totalement congé de la botanique, hein, notamment parce que vous contribuez sur Plantuse. Mais si j'ai bien compris, vous animez aussi et vous participez à des sorties botaniques de terrain. Oh, quand on me le demande, mais ce n'est pas fréquent. Hein. Disons que je ne le cherche pas. Si on me sollicite pour animer une sortie, je le fais volontiers, mais ça n'est pas vraiment mon cœur d'activité. Mais autrement, je continue. En fait, comment dire, depuis que je suis à la retraite, je fais exactement la même chose que dans les dernières années de mon activité. Parce que quand vous travaillez sur Internet, que vous le fassiez depuis un bureau ou depuis chez vous, c'est pareil. Tout à fait. Le tout étant d'avoir un bon fauteuil et une bonne installation, c'est tout. Et juste peut-être un mot plus général sur la botanique en ce moment, quand vous êtes en sortie de terrain, tout ça, vous qui êtes dans le réseau des botanistes amateurs ou professionnels, est-ce que vous avez l'impression que la botanique en ce moment, c'est plutôt un hobby en déclin, ou est-ce qu'il y a un regain d'intérêt là pour ce genre de choses? Bon, là, comment dire, pour le grand public en général, il y a très clairement un regain d'intérêt pour la diversité des plantes. Ça, c'est évident. Bon, mon encyclopédie, par exemple, quand je l'ai écrite, j'estimais que j'étais un peu osé de parler de plantes que personne ne connaissait, que personne n'avait vues, mais que moi, je tenais à mettre, parce que moi, je les avais vues, etc. Aujourd'hui, je suis un peu dépassé par les événements, c'est-à-dire qu'à la limite, il y a plus de plantes qu'on voit maintenant qu'il y en a dans mon encyclopédie. J'en ai rajouté in extremis. Hein. Donc, c'est quand même... parce que quand j'ai commencé l'écriture, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à ce genre de choses. Bon, donc, oui, du côté de l'opinion, je pense qu'il y a un regain d'intérêt. Alors, du côté scientifique... Alors, évidemment, les botanistes, vous trouverez des botanistes pour râler et dire qu'on ne trouve plus personne pour identifier les plantes, etc. Mais la botanique, ça ne se réduit pas à identifier les plantes et à faire ce qu'on appelle de la corologie, c'est-à-dire la répartition géographique des plantes. Ça consiste aussi à les analyser, à suivre leur évolution, etc. Et de ce point de vue-là, il y a un renouveau des études. Alors d'ailleurs, on parle plus de biologie que de botanique au sens strict, hein. Mais la biologie évolutive, la génétique des populations, l'écologie, maintenant, sont des disciplines qui s'appuient beaucoup sur la botanique et qui sont tout à fait performantes. Donc, moi, je ne me fais pas trop de soucis. Hein, évidemment, parce que de toute façon, il y a une chose claire, hein, c'est que pour reconnaître les plantes, pour identifier les plantes, c'est avec les pieds qu'on le fait. C'est pas dans la tête, dans un amphi. C'est en faisant des sorties sur le terrain. Il n'y a pas d'embrouille. Quand j'étais en prépa au lycée, on nous faisait apprendre par cœur des listes de genres botaniques dans les principales familles de plantes. Et j'ai constaté avec effarement que mes condisciples, en fait, ne connaissaient pas du tout ces plantes. Ils essayaient d'apprendre ça par cœur et c'était tout. Alors que moi, d'abord, je n'avais pas besoin de les apprendre puisque je les connaissais déjà. Et surtout, c'est que chaque genre de plante, pour moi, était lié à une perception, au fait qu'au toucher, la feuille était douce, qu'elle sentait fort, que cela, il y avait des... Vous voyez, c'était de l'ordre de l'expérience sensorielle, parce que j'avais crapahuté à la recherche de plantes pendant toute mon enfance. Donc, j'ai toujours, et c'est comme ça qu'on apprend à connaître les plantes. Donc ça, aucun enseignement ne pourra, et on ne va pas non plus, l'enseignement, il est là aussi pour d'autres choses, pour donner d'autres outils méthodologiques, hein, que d'apprendre à reconnaître les plantes. Donc globalement, je ne me fais pas trop de soucis. Moi, je suis assez convaincue que tout le monde devrait avoir un peu de base de botanique, mais c'est vrai que maintenant, on est un peu déconnecté du terrain, puisqu'on travaille tous devant un ordinateur ou dans des bureaux, et on n'a plus trop l'occasion d'y aller. Je suis la première frustrée, puisque finalement, j'ai fait des études de biologie végétale, et c'est devenu vraiment une discipline parallèle de la botanique, où on apprend plein de choses sur les plantes, mais jamais leur nom, leur famille, les identifier. Si vous êtes à Mulhouse, d'accord, mais si, parce que moi qui étais dans la région parisienne, qui, en se promenant dans la forêt de Fontainebleau, serait capable d'identifier Arabidopsis thaliana au bord des chemins? Pas grand monde, je pense. Pas grand monde, je suppose. Pourtant, il y en a plein. Joanne, non, tu reconnais pas Arabidopsis, toi? Dans la nature? Non, je pense pas que j'en trouverais. Même si on en mettait un devant moi, je ne le reconnaîtrais pas. Mais oui, cet exemple est pertinent parce qu'effectivement, donc Arabidopsis thaliana, pour les auditeurs, c'est la plante modèle qu'on utilise en laboratoire. C'est une petite plante de la famille des brassicacées, donc la même famille que le chou. Et bah, effectivement, beaucoup de gens ne savent pas l'identifier, ni pourquoi on la classe dans cette famille, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est assez amusant. C'est deux disciplines qui ont vraiment été déconnectées et ça devient compliqué de raccorder les bouts une fois les études passées, à moins de se relancer dans de la botanique, ou alors d'avoir commencé par la botanique au départ. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses surprenantes. Moi, j'ai connu quelqu'un que je ne nommerai pas, hein, qui avait fait des recherches, comment dire, beaucoup de statistiques sur comment dire, pour l'amélioration génétique du colza. Et un jour, je lui ai dit que le colza était de la même espèce biologique que le rutabaga. Elle ne me croyait pas. Et bon, je lui ai apporté la preuve. Mais enfin, alors, pour moi, ça fait partie quand même des données, bon, je sais pas, que tout le monde devrait savoir, surtout quand on travaille sur le colza. Est-ce que selon vous, on devrait remettre des cours de botanique dès la maternelle, l'école primaire? Non, mais il est important, de toute façon, pour les enfants, de leur apprendre à reconnaître, ne serait-ce que les plantes qu'ils peuvent manger, de celles qu'il vaut mieux pas manger, etc. Oui, il y a quand même un socle de connaissances de base qui sont quand même importantes. Hein. Alors, on peut faire de façon un peu plus sadique ou pas, d'ailleurs, leur montrer qu'il y a des vraies orties et des fausses orties. Il y en a qui piquent, il y en a d'autres qui ne piquent pas. C'est oui, non. Enfin bon, je ne suis pas non plus comment dire, non, mais la botanique, à mon avis, n'a pas actuellement disons qu'il faudrait que les sociétés de sciences naturelles apprennent à se renouveler et à inventer de nouvelles manières de communiquer avec les jeunes. Parce que la moyenne d'âge des gens qui participent aux sociétés de sciences naturelles est quand même très élevée. Hein. On peut dire que les deux tiers ou les trois quarts, c'est des retraités. Hein. Bon, ça, c'est normal, puisque c'est des gens qui ont le temps. Les jeunes ont évidemment beaucoup d'autres occupations. Mais quand même, ça entretient des comportements qui, en fait, sont restés pratiquement les mêmes depuis le 19e siècle. Moi, je suis sûre que la relève arrive, et d'ailleurs, elle est peut-être parmi les auditeurs de notre émission ce soir. Donc, parfait. Alors, il y a eu quelques questions dans la chatroom, plutôt sur la cuisine. Alors, par exemple, un auditeur super heureux. Alors là, on change un peu de sujet. Hein, je suis désolée, mais il faut quand même répondre aux auditeurs. Que pensez-vous de la cuisine note à note de Hervétis, qui promeut l'extraction de composés simples qu'on assemblerait ensuite dans la cuisine plutôt que d'assembler des plantes dans l'assiette? Alors, c'est plus un sujet cuisine. Un des auditeurs demande ce que vous en pensez. Bon, je lis avec intérêt ce que peut écrire Hervétis, qui a effectivement apporté des éléments tout à fait nouveaux en matière de compréhension de la chimie de ce qui se passait dans la cuisine. Mais là, cette idée me semble assez farfelue et très, comment dire, on va théoriser ou essentialiser des choses qui devraient être plutôt... Non, moi je suis pas vraiment partisan. De toute façon, non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller acheter des fioles d'huile essentielle ou de produits, etc., qu'on va mêler et on va acheter des pianos en appuyant sur des touches, on va faire des mélanges de. Bon, qu'on le fasse éventuellement pour des cocktails, je veux bien, mais pour la bonne cuisine de base, il vaut mieux apprendre à faire la cuisine. Traditionnel, en suivant d'ailleurs les prescriptions d'Hervétis. Hein. Moi, ce qu'il a dit, par exemple, sur la cuisson des œufs durs, moi, je trouve ça excellent. Donc, je le suis. Donc, oui, je crois. Alors, je connais pas très très très bien le travail d'Hervétis, mais je pense pas que son but soit particulièrement de remplacer la cuisine. Je pense que c'est plus un jeu pour lui à l'intersection de la vulgarisation et de la cuisine, de montrer qu'on peut remplacer des ingrédients par d'autres ou, et de s'intéresser à la chimie de ce qu'on peut mettre dans la cuisine. Je ne pense pas qu'ils veulent ouvrir son restaurant. disons que remplacer des ingrédients par l'autre, c'est précisément ce que fait l'industrie agroalimentaire. Hein. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Oui. Ah ben, totalement. Ils n'arrêtent pas de chercher des substituts qui soient les plus fiables possibles et les moins chers possibles. Hein, donc, Ok. Du coup, on restera plutôt sur assembler des plantes dans l'assiette un peu à l'ancienne, tout en suivant les conseils des professionnels pour rendre ça bon, quand même. Ah, mais c'est important, par exemple, pour parler de chou, c'est important de savoir comment cuire le chou, justement, pour qu'il ne sente pas trop fort. Parce qu'autrement, M. Chirac se remuerait dans sa tombe s'il a l'odeur des choux. Enfin bon, je pense c'était d'autres personnes que des Vendéens ou des Portugais qu'il avait dans le nez, si on peut dire, à l'époque. Mais non, parce que les Vendéens, on les appelle les ventres à choux. Hein. Je ne sais pas s'il y a des Vendéens dans le foot. Il y en aura probablement statistiquement, c'est probable. D'ailleurs, dans l'article du Monde que je citais tout à l'heure, je crois que vous donnez une recette sur comment cuisiner le chou. Vous dites dans l'article que c'est votre recette préférée. En tout cas, bon, c'est une recette qui m'a été apprise par ma belle-mère, qui est d'origine polonaise. Hein, et c'est une recette de chou aux haricots. Et qui est avec un petit peu de lard, etc., et qui est très bonne. C'est une. Les Français la connaissent peu. Hein. Alors, pour ceux qui seraient d'origine polonaise et qui nous écouteraient, c'est kapusta i groch, hein, choux et pois, littéralement. Et bon, il fallait trouver une recette, donc j'ai choisi celle-là. Mais il y en a plein d'autres. On mettra la recette dans les notes d'émission pour les auditeurs qui sont intrigués par ce plat. Il y avait la question que je vous ai posée avant l'émission, mais je pense que ça vaut le coup qu'on s'y attarde, puisque vous avez dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Quadruple Ben qui demandait, est-ce que les chips sont des crêpes de légumes frits? D'abord, légumes. Pour moi, la pomme de terre n'est pas un légume, mais un féculent. Moi, ce que j'appelle légumes, c'est plutôt les légumes, à feuilles ou qui contiennent des fibres ou des. Mais pas. Donc, en tant que féculent, je veux dire que ça se rapproche des céréales. Hein, et donc, les chips sont plus à rapprocher, par exemple, des cornflakes qu'autre chose. Donc, avec les pommes de terre, on a fait des galettes. Et ça, les galettes dans l'histoire, il y en a plein. Il y avait des galettes avec des céréales, avec du sarrasin, avec des pommes de terre. Mais bon, pas vraiment, parce que les galettes, elles sont simplement frites à la poêle ou sur une plaque chaude. Hein, alors que la chips, je ne connais pas le mode de fabrication des chips, mais. Ouais, c'est dans un bain d'huile. Je me demande si ça ne passe pas par un processus d'extrudation ou d'extrusion, voilà. On cherchera pour l'épisode prochain, je pense. De toute façon, c'est des tranches très fines, en tout cas, qui doivent plonger dans la friture. Mais non, ce ne sont pas des galettes. Ok. Et il y a un auditeur heureux qui est allé voir du coup sur Plantuse et qui s'est retrouvé sur l'article sur les plantes à savon et qui demande du coup si vous utilisez les plantes à savon. Non, pas vraiment. Non, alors, si vous voulez, voilà encore dans l'ethnobotanique, il y a des. Moi, j'essaye de recenser les usages des autres. Hein. Il y a telle plante qui a été utilisée chez tel peuple pour faire quelque chose. Mais il y a une autre tendance maintenant, c'est tous les gens dans le cadre du retour à la terre, retour à la nature, etc., qui veulent recréer des usages locaux. Alors, il y a certainement des gens qui vont vous dire « Ah ben oui, mais moi, j'utilise les racines de la saponaire pour faire du savon, etc. » Moi, à Montpellier, par exemple, au jardin botanique de Montpellier, il y a un splendide un splendide savonnier. Et quand les fruits tombent, il y a plein de gens qui viennent pour ramasser les fruits, parce qu'ils sont commercialisés d'ailleurs comme fruits à savon, je ne sais plus comment on les appelle, là, ça ne me vient pas à l'esprit actuellement. Mais effectivement, ça, on peut très bien les utiliser, mais bon, chacun est libre de... C'est des fruits qui contiennent du coup de la saponine comme la saponaire ? Oui, tout à fait. Mais ça part, si je vous dis le nom, ça, bon, ça vous... c'est un sapindus mucorossi, son nom scientifique. Mais donc le savonnier en français. Et c'est les noix de lavage, voilà, les noix de lavage. Ah oui, voilà. C'est ce qu'on utilise dans les machines à laver en ce moment, voilà. Pour remplacer la lessive. Ok. Bon. Bah voilà. Je ne sais pas si ça marche, j'ai jamais testé, mais j'imagine que si c'est vendu, ça doit un peu marcher quand même. Il faudrait que je demande à ma belle-fille qui en a utilisé à un certain moment. J'ai l'impression qu'elle n'en utilise plus maintenant. Donc, il faudrait savoir pourquoi. Parmi les bouquins auxquels j'ai participé, il y en a eu un à Montpellier sur les salades sauvages. Qui est un best-seller, pas parce que j'ai participé, mais parce que c'est les écologistes de Lozière qui l'ont fait, et j'y ai contribué, donc, et qu'à Montpellier, bon, on a actuellement, maintenant, là, fin février, début mars, on peut aller cueillir plein de salades sauvages. Alors, les salades sauvages, bon, c'est très bien, c'est la folie, hein, quand les écologistes de Lozière organisent une sortie une fois par an, malheureusement, pas pendant les périodes de Covid, hein. Il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent pour apprendre à reconnaître les salades sauvages. C'est affolant. Alors, mais cela dit, bon, moi j'en cueille de temps en temps, mais je vous avouerai que j'en cueille une ou deux fois et ensuite je me lasse. Parce que c'est quand même, ça prend quand même beaucoup de temps pour éplucher tout ça. En plus, comme je préfère passer du temps sur mon ordinateur et pas trop en cuisine, c'est le temps de préparation. Mais cela dit, alors là, la combinaison des saveurs, c'est important. Une bonne salade sauvage, il faut arriver à combiner les salades qui sont amères de celles qui sont piquantes et des autres qui sont d'un goût neutre. Mm-hmm. Et chacun fait la combinaison à sa manière, plus éventuellement quelques petites fleurs pour faire joli. Donc ça amuse, on passe un temps agréable, mais bon, voilà, de toute façon, les salades sauvages, c'est uniquement au début du printemps qu'on peut les manger. C'est ça, il y a des goûts intéressants, mais ça prend du temps, donc c'est pas la salade de tous les jours non plus, quoi. Bah, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans le temps, c'est les grands-mères qui faisaient ça, qui ramassaient, qui préparaient, et tout, voilà. Maintenant, les grands-mères... les met dans les EHPAD et on ne peut plus les faire ramasser leur salade. Bah, on mange encore la salade de pissenlit quand même, j'ai l'impression. Ah, oui. En France, c'est encore assez connu. Oui, non, le pissenlit, la mâche et l'ortie, enfin l'ortie, ce n'est pas une salade, parce que c'est un légume plutôt, cuit. C'est quand même effectivement connu en dehors de... Alors que moi, par exemple, avant d'arriver dans la région de Montpellier, j'osais à peine manger de la roquette jaune. Alors que la roquette jaune, on en trouve plein sur le littoral du centre-ouest, mais personne ne la ramasse. Et quand j'étais dans la région parisienne, une fois, j'ai fait manger, sans leur dire à ma belle famille, une soupe avec du laitron et de la laitue sauvage. Mais je leur ai dit qu'après, parce que... on m'aurait dit... Parce que vous savez, par exemple, mes parents qui ont été en Allemagne... Là-bas, quand les Allemands les voyaient ramasser les pissenlits, ils disaient « Mais vous n'allez quand même pas manger de l'herbe à lapin !» C'était pour eux, dans cette région, le duché de Bade, le pissenlit, c'était de l'herbe à lapin. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plantes sauvages qui sont un peu considérées comme des plantes à manger uniquement en cas de famine ou en cas de disette, si on n'a plus rien d'autre, alors que ça peut être bon quand même. Oui, écoutez, incidemment, vous parlez de l'histoire de l'alimentation végétale, et donc vous savez que j'ai fait une introduction, pas une préface, là, mais une introduction à la réédition d'un ouvrage fondamental sur l'histoire de l'alimentation végétale de Maurizio. Hein? Et il détaille effectivement toutes les périodes de famine qu'il y a pu y avoir et tout ce que les gens pouvaient se débrouiller pour manger. Mais finalement, moi, ma philosophie maintenant, c'est de dire, bah, écoutez, d'abord, on peut effectivement manger un très, très grand nombre de produits végétaux, mais finalement, bah, on a le choix quand même. On n'est pas obligé de manger quelque chose qu'on n'aurait pas envie. Donc, il y a quand même des plantes qui sont meilleures que d'autres. Et voilà, quoi, on n'est pas... Alors, ça peut être intéressant de garder en mémoire ce qu'on pourrait manger en temps de disette ou de famine. Enfin bon, la probabilité chez nous est quand même relativement réduite, hein, heureusement. Oui, heureusement. Enfin, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Alors, on va peut-être faire pour nos auditeurs un rappel de précaution. Hein. Si vous voulez aller cueillir des trucs dans la nature, apprenez d'abord à les reconnaître, puisqu'il y a des plantes comestibles qui se confondent avec des plantes toxiques. Voilà. Bah, chaque année, il y a des comment dire, des cas qui arrivent au centre antipoison. Oui, il y a des intoxications. Là, en ce moment, il va y avoir l'ail des ours, qui est une plante qui est très prisée en ce moment parce que c'est bon, et qui se confond facilement avec les feuilles de muguet, qui, elles, sont toxiques. Oui, facilement quand on n'est pas botaniste. Voilà. donc, apprenez quand même à reconnaître, à différencier les feuilles de muguet et les feuilles d'ail des ours si vous allez cueillir. On ne rigole pas avec ça. Alors du coup, on touche à la fin de l'émission, on a encore deux questions traditionnelles à la fin des interviews. La première, c'est quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et de laquelle vous êtes lassé de répondre du coup ? Ah, bah, ça je ne savais pas que... Bah, justement un peu, parce que ce que je disais tout à l'heure, savoir que... Ah bah tiens, est-ce que ça se mange ? Ça sert à soigner quoi ? Bon, bah, attendez, c'est... je veux dire, on peut s'intéresser aux plantes simplement parce qu'elles sont belles. Moi, quand je vois, par exemple, vous connaissez peut-être la ruine de Rome, là, Cymbalaria muralis, là, cette plante qui, bon, je la trouve d'une beauté et puis en même temps, elle pousse dans des endroits, comment dire, inhabituels. Bon, elle n'a pas besoin d'être utile pour que je la trouve belle, que je m'y intéresse. C'est la Cymbalaria des murailles, c'est ça ? Voilà, Cymbalaria muralis, en bon latin. Oui, c'est surtout donc les usages. Non, et ouais. Puis alors il y a une chose, bon, heureusement non, mais qu'on me rappelle pas trop souvent, mais je vais quand même vous le dire, c'est que une fois je collaborais à une émission sur France Culture sur l'histoire des aliments et la journaliste me faisait venir justement parce que je parlais de l'histoire des fruits, des légumes, etc. Et un jour on a fait une émission sur le poireau. Et il y a eu une critique dans Télérama, que je citerai, je pensais que c'était une bonne revue, etc. Et la critique, c'était dit, on apprend tout sur les noms arabes et persans du poireau, mais on ne nous dit pas quelle est la recette de la soupe au poireau. Alors, j'ai trouvé ça affligeant de la part d'une... Parce que, bon, la recette de la soupe au poireau, on la trouve partout. Et on n'attend pas forcément de France Culture qu'on nous rappelle la soupe au poireau. Et puis surtout, ça veut dire que les plantes alimentaires, on aurait le droit de s'intéresser à elles que sous l'angle de comment on les cuisine. Il y a peut-être autre chose à dire sur les plantes. C'est ce que j'essaye de dire justement dans mon encyclopédie, où il n'y a pas de recette de cuisine. Hein, je le précise. C'est une encyclopédie, voilà, ça... pas un livre de cuisine. Simplement, je donne quand même quelques petits détails, hein, qui sont d'ailleurs même issus de mon expérience. Par exemple, le curcuma. De temps en temps, je mets du curcuma dans mon riz. Bon, et en fait, quand je le cuis avec mon eau normale, alors je précise que c'est de l'eau qui contient du calcaire, j'obtiens un riz qui est d'une couleur orange rouille, pas vraiment très engageante. Et puis mon riz, souvent, je le mange en accompagnement du poisson. Et sur mon poisson, je mets du jus de citron. Et j'ai remarqué un jour, Eureka, que dans le liseré du riz près du poisson, le curcuma devenait d'un jaune éclatant. Et en touillant, effectivement, voilà. Alors, c'est un truc d'un point de vue chimique et tout bête. Ça veut dire que le curcuma est jaune à pH acide et orange à pH basique. C'est tout bête. Mais ça, je ne l'ai trouvé écrit nulle part. Alors, j'ai dû l'écrire dans mon encyclopédie, mais je suis étonné. Alors, peut-être qu'Hervétis, dans un de ses bouquins, en parle, j'en sais rien, mais je veux dire, quelque chose d'aussi spectaculaire, c'est... Voilà. Et si les moutardes qui contiennent du curcuma sont si jaunes, eh ben, c'est parce qu'elles sont au milieu acide. Ça me donne envie d'aller essayer tout de suite sur tout ce qui contient du curcuma. Dans voilà, mais si vous mettez du curcuma comme colorant, pensez à ce que ça soit en milieu acide. Très bien, merci pour le conseil. C'est pareil pour le chou rouge. Hein. Oui. Le chou rouge, il est bleu en milieu basique et il est rouge en milieu acide. C'est d'ailleurs une expérience qu'on fait beaucoup au collège. Dans toutes les écoles, en principe. Voilà, le changement d'acidité qui est matérialisé par le changement de couleur du jus de chou rouge. Alors après, alors si on est plus savant, on peut dire « Ah, mais justement, c'est ça qui explique que les plantes de la famille des boraginacées, les fleurs changent de couleur suivant leur âge, parce que le pH des cellules des fleurs change suivant que la fleur est jeune ou vieille. » Ah oui, voilà, je viens de vous apprendre quelque chose, je crois. Bah, je savais pour les hortensias, par exemple. Oui, mais l'ensemble des boraginacées, les colorants sont des anthocyanes mm-hmm. et apparemment, il y a une question, il y a une variation du pH hein, qui fait que les fleurs n'ont pas la même couleur quand elles s'ouvrent et quand elles fanent. Parfait, j'irai voir du côté des boraginacées. Question connexe, et ce sera la dernière, je pense, de l'interview. Quelle est la question qu'on ne vous pose jamais, mais à laquelle vous aimeriez bien répondre de temps en temps? Là, vous me posez une colle. Puisqu'en fait, je passe mon temps à ça, à répondre à des questions que les gens ne se posent pas. C'est donc... C'est pas vraiment. c'est votre quotidien. C'est assez étonnant. Non, parce que même mon encyclopédie, je veux dire, c'est pas pour dire. Bon, je suis bien entendu unique et tout ce que vous voulez, mais quand même, je veux dire, personne n'avait écrit une encyclopédie comme ça avant. C'est un point de vue qui, bizarrement, je comprends pas pourquoi, mais bizarrement, elle semble pas. Parce que bon, sur les plantes, il y a des agronomes qui écrivent, mais ils écrivent pour dire comment il faut cultiver les plantes, ou ils parlent de leur diversité génétique, ou alors après, il y a les cuisiniers qui parlent de cuisine, etc., les jardiniers qui parlent de la culture, mais l'histoire, il n'y a pas grand monde, finalement. Mais donc, je suis plutôt habitué à me poser des questions que les gens ne se posent pas. C'est votre métier et votre quotidien, quelque part. Ok, merci beaucoup. Alors, avant de finir l'émission, du coup, on va juste rappeler notre quiz du moment. Alors, pour remettre dans le contexte, chaque émission, on a une question que nos auditeurs se posent et à laquelle on va répondre dans une émission roue libre. La dernière question que les auditeurs ont choisie dans l'émission, c'est « L'urine est bonne pour la santé, info ou intox ?» Alors, je ne sais pas si vous avez une opinion sur la question, Michel. Moi je dirais que c'est ni bon, ce n'est pas nocif en tout cas. Donc, okay. Et on peut très bien boire son urine sans aucun problème. Il vaut mieux ne pas la laisser fermenter. Hein, c'est d'accord. et par exemple, je rappelle que Théodore Monod, dans ses innombrables traversées du Sahara, comme il ne pouvait pas transporter des hectolitres d'eau avec lui, il buvait son urine. Donc, alors maintenant, dire que c'est bon pour la santé, bon, il y a peut-être des minéraux, effectivement. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? J'en suis pas sûr. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Pour les auditeurs qui aimeraient répondre aussi, vous pouvez nous envoyer un email à podcastscience@gmail.com ou nous interpeller sur les réseaux sociaux d'ici le 31 mars 2021 dans la roue libre où nous ferons la réponse. Et pour terminer l'émission, Michel Chauvet, vous avez ramené une citation Oui, ben en fait, je ne me suis pas très fatigué, si on veut, mais en même temps, c'est une citation à laquelle je tiens, parce que je l'ai mise en introduction à mon encyclopédie. Et j'y tiens pour deux raisons. L'une, c'est son auteur, hein, Ibn al-Baytar, qui est un grand auteur de matière médicale arabe du XIIIe siècle. Et puis la deuxième, c'est tout simplement parce que ce qu'il dit, je le prends pleinement à mon compte. Et ça explique d'ailleurs pourquoi aussi j'ai mis autant de temps à écrire mon encyclopédie. Alors, je le cite. Sachez que les savants devraient être les premiers à bien s'informer et à se tenir sur leur garde. Les sages ont dit, il n'y a pas d'excuse pour l'erreur d'un savant, parce que dans cette erreur, il entraîne tout le monde. Alors, j'aimerais que bien des gens qui écrivent pensent à ça avant de lancer des données non fondées. Oui, on est loin des fake news, simplement le souci de bien se documenter et de faire attention à ne pas diffuser de fausses données. C'est un conseil qu'on retient et qu'on souligne pour les auditeurs. D'ailleurs, régulièrement, on a des problèmes de citations qui sont attribués à Einstein, qui ne sont pas vraiment d'Einstein. Donc, Alors c'est là, tout un. disons que j'ai repris cette citation directement de l'ouvrage de Ibn al-Baytar. D'ailleurs, incidemment, dont j'ai mis la traduction en français sur Plantuse. Donc, voilà. Simplement, s'il y a des arabophones parmi vos auditeurs, ce qui manque dans ce que j'ai mis sur Plantuse, c'est de mettre les noms arabes dans leur écriture en arabe. Ça demande un travail manuel que je peux faire, que je fais, mais qui demande beaucoup de temps. Tout à fait. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Michel Chauvet, d'avoir accepté cette interview. Je rappelle à nos auditeurs, vu qu'on arrive à la fin de l'émission, que vous pouvez contribuer sur Plantuse et laisser des traces de vos recherches sur les plantes si vous commencez à vous y intéresser pour le reste du monde et pour la postérité. J'espère que cette émission vous aura donné envie d'en savoir encore plus sur le sujet des plantes. Merci Michel Chauvet. Et on va quitter les auditeurs. Que servir la science soit votre joie. Bonne soirée. Thank you.